Nouvelle deuxième, Guinaud de Taco. Guinaud de Taco, renommé par son audace et ses brigandages, ennemi des comtes de Saint-Flour, chassé de Sienne, fit révolter la ville de Radicofani contre la cour de Rome, s'y établit, et pour s'y soutenir, faisait détrousser tous ceux qui passaient dans les environs par les satellites qui lui étaient attachés. Boniface VIII occupait alors la chaire pontificale. L'abbé de Cluny, qu'on regarde comme le plus riche prélat de toute la chrétienté, vint faire dans ce temps sa cour à Rome. Là, s'étant gâté l'estomac par les excès de la bonne chère, les médecins lui conseillèrent d'aller prendre les eaux de Sienne, et en ayant obtenu l'agrément du pape, il partit en grande pompe et avec un très nombreux de chars, d'hommes et d'animaux, sans trop s'inquiéter de ce qu'on disait de Guinaud. Celui-ci, instruit du voyage du prélat, tendit ses filets, et l'enferma si bien dans un lieu fort étroit, lui et son train, qu'il n'en échappa point un seul valet. Ensuite, il lui députa un de ses principaux officiers, qui lui dit fort civilement de sa part qu'il le priait de venir descendre chez lui. La paix répondit en colère qu'il ne le ferait pas, qu'il n'avait rien à démêler avec Guinaud, qu'il passerait outre et qu'il n'y avait personne assez hardi pour s'opposer à son passage. Le député lui répliqua respectueusement qu'il était en un lieu où l'on ne reconnaissait de force supérieure que celle de Dieu même et où les excommunications, les interdictions étaient méprisées et de nul effet. « Ainsi, je crois, monsieur, continua-t-il, que le parti le plus sage que vous ayez à prendre est de vous rendre de bonne grâce à l'invitation de Guinaud. » Pendant cette petite conférence, arrive une troupe de satellites qui environne monsieur l'abbé et le force de prendre, avec tous ses gens et son bagage, le chemin du château. Dès qu'il y fut arrivé, on le logea, selon les ordres qui avaient été donnés, dans une petite chambre fort étroite et fort obscure, tandis qu'on donna à toutes les personnes de sa suite un appartement commode et proportionné à leur qualité. Après qu'on eut mis en sûreté les mulets, les chevaux et le reste de l'équipage, Guinaud alla trouver monsieur l'abbé et lui dit « Guinaud, monsieur, dont vous êtes l'hôte, m'envoie pour prier d'avoir la complaisance de lui déclarer le but et le sujet de votre voyage. » L'abbé, à qui l'expérience du malheur avait déjà donné un peu de sagesse et de modestie, répondit à tous sans se faire prier. Il vint alors en tête à Guinaud de guérir lui-même l'abbé sans lui faire prendre de bain. Il eut soin qu'on entretint un grand feu dans sa petite chambre et qu'on veillât exactement à sa porte, avec défense de laisser entrer personne. Il ne retourna le voir que le lendemain matin, lui apportant une serviette propre, deux tranches de pain rôti et un grand verre de verdier de Cornélie, puisé dans la provision même de l'abbé. « Monsieur, lui dit-il après les premières salutations, Guinaud, dans sa jeunesse, étudia en médecine et il prétend qu'il n'y a point de meilleur remède pour l'estomac que celui qu'il veut vous faire. Ce que je vous présente en est un commencement. Prenez-le donc et vous fortifiez. » L'abbé, que la faim sollicitait plus vivement que le désir de causer, mangea et but avec plaisir, quoiqu'il eût l'air de le faire avec dédain. Ensuite, il tint beaucoup de propos qui sentaient la fierté, fit plusieurs plaintes, plusieurs questions et demanda, entre autres choses, à voir Guinaud, qui regarda une partie de ses discours comme autant de paroles vaines qui méritaient peu son attention. Il répondit aux autres choses fort civilement, et l'assura que Guinaud se ferait un plaisir de le venir voir dans peu de temps. Le lendemain, il revint avec la même provision, qui fut reçue de la même manière, et il continua ce manège pendant plusieurs jours. Mais s'est enfin aperçu que son malade avait mangé des fèves sèches qu'il avait apportées exprès, et qu'il avait faim d'avoir laissées par mégarde, il vint lui demander, de la part de Guinaud, comment il se trouvait de son estomac. « Je ne me trouverais que trop bien, répondit l'abbé, si j'étais hors des mains de ton maître, et que j'eusse plus amplement à manger. Car ces remèdes m'ont si bien guéri que j'ai un appétit dévorant. » Guinaud alla aussitôt faire préparer une belle chambre qu'il fit garnir des meubles de monsieur l'abbé. Il commanda ensuite un grand festin, auquel il invita les principaux habitants de la ville et plusieurs personnes de la suite de l'abbé. Le lendemain matin, il alla dans sa cellule. « Monsieur, lui dit-il, puisque vous vous sentez bien, il est temps que vous sortiez de l'infirmerie. » Il le prend ensuite par la main, le conduit dans l'appartement qui lui était destiné, l'y laisse avec ses gens, et va donner ses ordres pour le dîner. L'abbé eut la joie de revoir son monde. Il leur raconta quelle vie il avait menée dans sa prison. Pour eux, ils firent beaucoup d'éloges de la manière dont ils avaient été traités. L'heure du dîner venue, on servit un repas magnifique, où la bonne chère et le bon vin abondaient. Guinaud conservait toujours l'incognito vis-à-vis de l'abbé. Enfin, après l'avoir traité pendant 3 ou 4 jours avec cette même magnificence, il ordonna qu'on apportât dans une salle tous ses bagages et fit conduire dans une cour, sur laquelle cette salle avait vu tous ses chevaux, jusqu'à la plus mauvaise aride d'elle. Ensuite, il alla trouver l'abbé, lui demanda comment il se portait, et s'il se sentait assez de force pour monter à cheval. L'abbé répondit qu'il était parfaitement guéri de son estomac, mais que sa santé irait beaucoup mieux encore dès qu'il serait sorti des mains de Guinaud. Celui-ci le mena alors dans la salle où étaient son bagage et ses gens, et l'ayant conduit à une fenêtre d'où il pouvait voir tous ses chevaux. « Vous devez savoir, monsieur, lui dit-il, que ce n'est point par lâcheté ou par méchanceté que Guinaud de Tacot, qui n'est autre que moi-même, s'est rendu voleur de grand chemin, ennemi du pape et de toute la cour romaine. C'est pour venger son honneur et sauver sa vie comme un brave gentilhomme et pour se délivrer des ennemis qui le poursuivaient. On m'a contraint de quitter mon pays et n'ayant pas de bien, j'en prends ou j'en trouve. Mais parce que vous me semblez un seigneur distingué, quoique j'ai guéri votre estomac, je ne veux rien m'approprier de ce qui vous appartient, comme je ferai à l'égard de tout autre qui serait à ma disposition. Je me contenterai de ce que vous voudrez vous-même m'accorder en faveur du besoin où je me trouve. Vos bagages sont ici, vos chevaux dans cette cour. Laissez-moi, ne m'en laissez pas, partez ou demeurez, dès ce moment je vous rends tous vos droits de propriété et votre première liberté. » L'abbé, étonné qu'un voleur de grand chemin parlât d'une manière si généreuse et qui lui plaisait si fort, oublia tout son ressentiment contre Guinaud, courut l'embrasser avec affection en lui disant « Je proteste devant Dieu que pour gagner le cœur d'un homme tel que toi, je souffrirai bien plus qu'il me semble que tu ne m'as fait souffrir. Cruelle fortune qui t'oblige à faire un si malheureux métier !» Cela dit, il reprit le chemin de Rome avec le plus simple équipage et lui laissa tous les chevaux et tous les meubles dont il put se passer, ne gardant que le plus simple nécessaire. Le pape avait été instruit de la prise de l'abbé et en avait été fort affligé. Cependant, dès qu'il le vit, il lui demanda si les bains lui avaient fait grand bien. « Très saint père, répondit l'abbé en souriant, j'ai trouvé, avant d'arriver au bain, un très habile médecin qui m'a parfaitement guéri. » Et il lui conta alors son aventure. Sa sainteté en rit beaucoup, mais l'abbé, dans un transport de reconnaissance, lui demanda une grâce. Le pape, croyant que c'était une nouvelle abbaye dont il s'agissait, dit qu'il ferait tout ce qu'il demanderait. « Saint-Père, continua-t-il, je vous supplie de pardonner à Guinaud de Tacot, mon médecin, et de lui rendre vos bontés, parce que je ne connais pas d'homme plus vertueux ni plus estimable. Tout le mal qu'il a fait est moins son propre crime que celui de sa fortune. Changez-la, donnez-lui de quoi vivre d'une manière convenable à son état, et vous le verrez tel que je le vois moi-même. » Le pape, qui était généreux et qui aimait la vertu partout où elle se trouvait, répondit qu'il se rendait aux prières de l'abbé, pourvu toutefois qu'il ne lui en imposa pas, et lui dit qu'il pouvait faire venir sans crainte son protégé. Guinaud vint à Rome et n'y séjourna pas longtemps sans remplir la haute idée qu'on avait donnée de lui. Le pape le remit en ses bonnes grâces, le créa chevalier des hospitaliers et lui donna un grand prieuré de cet ordre. Il se montra pendant tout le reste de sa vie l'ami, le serviteur de la Sainte Église romaine et de l'abbé de Cluny.